Le château de Malcolm, l'un des plus poétiques des Highlands, est situé au prix du village de Lewis. La famille Glenarvan ne comptait que des Écossais au château de Malcolm, comme à bord du Duncan. Quelques-uns parlaient encore le gaélique de la vieille Calédonie. Lord Glenarvan possédait une fortune immense. Il avait 32 ans. On le savait, brave à l'excès, mais bon par-dessus toute chose. Il était marié depuis 3 mois à peine. Il avait épousé Miss Helena Tufnell, la fille du grand voyageur William Tufnell, l'une des nombreuses victimes de la science géographique et de la passion des découvertes. De cette jeune personne charmante, courageuse, dévouée, le seigneur de Luce avait fait la compagne de sa vie. Miss Helena avait 22 ans. Son amour pour son mari l'emportait encore sur sa reconnaissance. Lord Glenarvan et Lady Helena vivaient heureux à Malcolm Castle, au milieu de cette nature superbe et sauvage des Highlands. Mais Lord Glenarvan n'oubliait pas que sa femme était fille d'un grand voyageur. Il se dit que Lady Helena devait avoir dans le cœur toutes les aspirations de son père, et ne se trompait pas. Le Duncan fut construit. Cependant, Lord Glenarvan était parti pour Londres. Il s'agissait du salut de malheureux naufragés. Ce jour-là, Lady Helena reçut une jeune fille et un jeune garçon qui désiraient parler à Lord Glenarvan. Une sœur et un frère. La sœur avait 16 ans, Robert le garçon 12 ans. « Vous êtes Lady Glenarvan ?» dit la jeune fille. « Oui, miss. Je suis Miss Grant, madame, et voici mon frère. Que savez-vous du naufrage de mon père ?»« Ma chère enfant, » répondit Lady Helena, « l'espoir est bien faible, mais, avec l'aide de Dieu qui peut tout, il est possible que vous revoyiez un jour votre père. » Lady Helena lui raconta l'histoire du document. « Oh, madame, le document !» dit Miss Grant. « Dans l'intérêt même de votre père, il a dû être porté à Londres, par Lord Glenarvan. Mon mari, muni de ce document incontestable, a voulu le soumettre au commissaire de l'amirauté afin de provoquer l'envoi immédiat d'un navire à la recherche du capitaine Grant. Jusqu'au retour de Lord Glenarvan, vous demeurerez au château. Je veux qu'à son arrivée, Lord Glenarvan apprenne aux enfants du capitaine Grant ce que l'on va tenter pour sauver leur père.